Exercice 13, page 153. La jeune femme est toujours dans le bureau de Brochamps en train de manger un sandwich au thon. Oscar, tenant entre dans le bureau aussi légèrement qu'un chat.